ou avec la nuit, soit monter un tout petit peu, quoi. Prendre un tout petit peu, si on prenait 10 ou 20 euros au prime time, ça permettrait que tous les auteurs, tous les dessins animés de série, le matin, gagnent un tout petit peu mieux leur vie, quoi. Faudrait que Voilà. les télévisions abusent un petit peu Bah, ils de ont une la position situation. dominante, c'est eux qui génèrent le plus d'argent pour la SACD, quoi. Pour le prime time fiction, c'est toutes les séries que moi personnellement j'en écris, mais je ne les regarde pas. C'est tout ce qui passe, tu vois, toutes les grosses séries policières, tous les 80 minutes, les 52, tout ça qui Qui passe que font vivre ça. plein de gens. Ça génère énormément d'argent, On écoute un peu de musique, Benjamin? quoi. Ouais. Après ça, Arnaud aura une question à On poser. aura le Qu'est-ce qu'on temps de mettre écoute? les deux Non, ou ben, on va en tous les cas en écouter un Alors déjà. on va mettre celui de Florence. Oui, Hein. mais plus Alors c'est un précisément. disque, c'est la chanson préférée de Florence Aubenas qui est en ce moment otage à Bagdad et qui se trouve être une amie à moi. Et comme je ne savais pas quoi amener, j'ai dit tiens, on va lui passer sa chanson. Ben, on C'est écoute ça. motivé, c'est une chanson que tout le monde connaît. Chaîne. Oh, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 et ces bulles de rêve. Il nous reste un beau quart d'heure, on va dire, pour évoquer certaines choses. On parlait là. Bon, peut-être qu'on pourrait terminer sur Florence Omnas. Alors, le 12 mars, il y a un grand mouvement qui est lancé par le comité de soutien à Florence Omnas et Hussein. Ça s'appelle 1000 fanfares pour Florence et Hussein. C'est-à-dire que le principe, c'est que partout en France et en Belgique, bon, parce que sa mère, elle est professeure à l'école de cinéma de Bruxelles. D'accord. Et il faut faire de la musique. Voilà. Donc les fanfares, les orchestres, n'importe quoi, les tambours du Bronx, enfin tout ce que vous voulez. Le 12 mars, tout le monde dans la rue, et peut-être ça s'entendra jusqu'à Bagdad. On préviendra les fanfares des Beaux-Arts. Non, non, mais tu rigoles, mais il y a plein de villes faire du bouquin sur plein Paris. De villes qui marchent. Toute la Bretagne, c'est parti, là, tout c'est. C'est très bien organisé, j'espère que ça fera plein de bruit. Voilà. Très bien. On parlait un petit peu là, hors antenne, des histoires de films de fin d'études. Alors c'est vrai que les étudiants font un film de fin d'études qui en fait un travail, mais de plus en plus, notamment dans l'animation, ces films-là sont montrés, diffusés, sont loués. Passent à la télé, ouais. Etc. Donc il leur faut absolument un contrat d'auteur. Voilà, donc c'est des films qui sont... qui génère une économie, on va dire, parfois encore plus que ça, puisque certains films les peuvent être tirés en 35 mm, ouais. Alors ils peuvent être tirés ouais. En DVD, ils peuvent être tirés en 35 mm avec l'aide d'un producteur, qui du coup devient, est considéré comme le producteur du film. Enfin, on a l'impression que tout ça est très très flou, on a effectivement des écoles qui nous disent « mais non, c'est notre film, il a été fait au sein de l'école, et le producteur qui m'énerve ». C'est mon film, c'est moi qui ai tiré la copie 35. Oui, mais à partir du moment où il y a une exploitation du ouais. film commercial, c'est-à-dire un film d'école qui resterait uniquement dans l'école et qui sortirait jamais de l'école, il n'y aurait aucun problème. Mais à partir du moment où il est imprimé en DVD ou qui passe en 35 ou en 16 ou en ce que vous voulez et qui passe quelque part et qu'il y a des gens qui payent pour le voir, là, ils font un contrat d'auteur. Sinon, on est en pleine illégalité. Donc il faut encourager les étudiants, par exemple, qui sont dans des écoles qui, où ça ne se passerait pas comme ça, à téléphoner à la SACD et pour régler ce problème. Mmh. Mais la plupart des écoles, maintenant, je suppose que notre ami, là, lui, il est tout à fait... pour ça, il va peut-être même plus loin, puisqu'il veut absolument pas... il veut que tous les droits reviennent aux élèves. Or, il y a peut-être un petit problème légal là-dessus, mais il faut voir comment ça se passe, mais il y a des écoles qui, peut-être, ne respectent pas ça, et ça, faut pas, c'est pas possible. Sans voilà, vouloir faire la police, c'est les jeunes qui démarrent, s'ils ont leur film, ils passent un soir sur Arte, bon, ça, c'est pas énorme, mais ça leur fera quelques centaines d'euros qui tombent comme ça du ciel. Et ben, s'ils n'ont pas de contrat d'auteur, ils ne peuvent pas toucher cet argent, donc c'est pas normal. Donc il y a le respect du droit d'auteur pour les étudiants, parce qu'effectivement, bon, il y a une école d'animation donc, qui fait complètement gérer les films et les droits des films par une société, effectivement, et après ça les étudiants ne touchent rien, donc ça c'est un des problèmes. Ouais. Et puis aussi le problème du droit des films. Alors je sais pas, on a un producteur, on a un directeur d'école ici, je sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette situation là, avec des films de fin d'études qui deviennent des films de producteurs au bout du compte. Parce qu'il y a une copie qui rentre en 35 minutes. Alors... J'ai appris ça d'un collègue producteur très sympathique au demeurant qui m'a dit « je produis ça, ça m'a fait des points CNC pour mon aide au programme, c'est vachement cool ». Moi, j'ai trouvé ça très chouette, évidemment, comme idée de pouvoir aller voir une école, dire « moi, je veux bien vous mettre 3-4 000 euros pour le kinescopage du film et terminer le film, et puis ça devient dans mon catalogue et ça me fait des points CNC ». Tant mieux, quelque part, si ça arrange tout le monde. Si ça arrange l'école, si ça arrange le producteur, l'auteur, et que le CNC est d'accord, c'est très chouette. Ça me paraît bizarre, parce que c'est mettre dans la même balance un film qui a peut-être mis 2 ans à être produit, ou enfin 3-4 ans à être produit et réalisé, et puis un film d'école qu'un producteur vient simplement cueillir. Mais bon, moi je crois que si les problèmes des droits sont réglés pour les auteurs, après... c'est de gré à gré. Et si l'école, ça l'arrange à un producteur qui... Moi je veux bien, hein, en tant que producteur, franchement, je dis aux écoles, je veux bien signer un contrat d'auteur avec un réalisateur qui sort de chez vous, qui a fait un film de fin d'études, et en devenir officiellement producteur, et que ça me fasse des points CNC, et de faire le travail que je fais pour tous mes films, sur ce film-là, tout le monde sera sûrement content. Maintenant, ça me paraît quand même un peu bizarre. Et dans un intérêt pédagogique, on parle d'école, dans un intérêt pédagogique, il faut en revenir systématiquement à la pédagogie quand on parle d'école, de faire intervenir un producteur en amont ça pourrait être très intéressant aussi pour les élèves, pour les futurs auteurs. Bon, ça marche. Donc, en amont, bien sûr. J'en ai fait intervenir des producteurs en amont qui viennent décrire là comment un producteur va pouvoir aider, comment on produit un film, comment ça se fabrique. Et d'entrée de jeu, dès qu'ils rentrent en première année, on fait intervenir des producteurs. C'est très intéressant. C'est des producteurs de fiction qu'on a fait intervenir jusqu'à maintenant. Mais c'est exactement la même chose. Ça, changer technique après, mais voilà. Mais on parle un peu d'autre chose, parce qu'intervenir de manière pédagogique et d'aider un film à se terminer sur un format beaucoup plus coûteux, c'est pas du tout la même démarche. Prendre dans son catalogue. Moi, je pourrais prendre dans mon catalogue un film que j'aime beaucoup et je dis voilà, en échange du travail que j'ai pas fait de production, je ferai le travail de promotion dont je témoigne certaines expériences. Et qui voilà, je vais l'amener dans les festivals, j'en tirerai 10 copies, je vais le mettre dans mon catalogue DVD, etc. Ça, dans ce cas-là, je trouve qu'il y aura un échange assez intéressant si en plus il me fait des points CNC. on peut en parler, tu as des points CNC si on veut. C'est un délai automatique. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire en termes de production? Alors parfois, effectivement, il arrive que ce soit des films qui soient vraiment retravaillés avec le producteur. Éventuellement. Voilà, oui, mais parfois, pas du tout. C'est simplement un tirage de copies. Des histoires assez spéciales, quoi. Le type qui prend X nombre, une dizaine de films sortant d'une école, qui édite un DVD avec un double programme, un long métrage qu'il avait acheté je ne sais où et qui distribue, et l'autre deuxième DVD avec tous ces films, sans contrat d'auteur, sans rien. Il vendait les DVD. C'est les étudiants qui ont lancé l'alerte en disant « Mais attendez, c'est pas normal, le mec il gagne sa vie en vendant le DVD, nous on touche même pas un centime, c'est avec nos films. » Et l'école là-dedans? L'école là-dedans, elle est mal. Alors maintenant ça s'est arrangé, ça s'est réglé, mais bon, sur ce coup-là, on n'a pas pu faire marche arrière, parce que on n'a pas pu être rétroactif, parce que la directrice de l'école s'était très très très très mal débrouillée, quoi. Elle n'avait pas voulu s'en occuper, ça la barbait, je sais pas quoi. Et résultat des courses, t'as une dizaine de films qui ont été... pris par une maison de production et de distribution, plutôt distributeur d'ailleurs, qui les a en plus mal vendus, tu vois, qui s'en est pas occupé, c'était n'importe quoi. Je crois que tout ce qui fait l'existence, la reconnaissance, la promotion, la circulation des œuvres est à promouvoir maintenant, à condition que ce soit dans le respect des règles. C'est une arnaque. Voilà. et donc les films d'études, moi je suis sûr qu'une école qui fait des films et qui peut ne les faire que sur Beta SP ou sur DVD, d'avoir un producteur qui dit moi je vais le mettre sur 35 et le faire circuler, mais c'est du bonus pour tout le monde. Ouais. C'est ce qui arrive, mais souvent après coup, on va dire. Ouais. Après, le problème, c'est qu'on a un film qui se termine, il s'inscrit dans un festival et c'est le producteur qui inscrit le film. Ouais. C'est assez curieux. On revendique que... dans le film. Ouais. Après que dans un deuxième temps, il y a un kinescopage, ça s'est fait régulièrement. Et c'est vrai qu'il y a à l'agence du court-métrage, un certain nombre de films de fin d'études. Pour les films de la Poudrière, c'est eux-mêmes qui s'en occupent, mais il y en a d'autres qui viennent de différentes écoles. Par contre, moi, je serais le CNC, je me poserais des questions. Oui. Parce que, bon, je prends un exemple, là, je vais être un petit peu, pas polémique, mais c'est un sujet qui me touche beaucoup pour l'instant, La Femme Papillon. C'est une œuvre d'une réalisatrice, autoritrice lilloise, une première œuvre que je n'ai pas pu financer avec le CNC, parce que bon, j'étais refusé comme plein d'autres, donc là, ça, il n'y a pas de problème, mais j'ai trouvé beaucoup d'argent en Belgique. Du coup, il y a en fait 33% de parts françaises et le reste des parts belges. Et encore pour avoir une part française, j'ai vraiment dû travailler des copros en France, en service et tout ça. Bref, je dépose une demande d'aide au programme avec des points CNC et on me dit que tous les points faits par la carrière de La Femme Papillon valent 33%, sont pondérés négativement jusqu'à 33%, ne valent que 33%. Et donc, alors que j'ai largement le quota pour être aidé automatiquement, je tombe, heureusement encore j'en ai assez, mais c'est très très désagréable de se voir refuser, se voir pénalisé au niveau des points parce qu'on a coproduit avec de l'argent à l'extérieur, alors que des producteurs vont dans une école, n'ont pas fait un travail fulgurant en tant que producteur, ont fait un kinescopage, ont fait faire la carrière du film et ramassent un max de points à 100% pour l'aide automatique du CNC. Il y a deux poids deux mesures qui, pour moi en tant que producteur, est absolument insupportable et injuste. Alors maintenant, la circulation des œuvres, je la promeus, donc tant mieux pour ces œuvres-là et qu'un producteur puisse en profiter. Par contre, il faut quand même réanalyser la logique de l'ensemble du système pour voir qu'il n'y a pas des gens lésés par rapport à d'autres. Quoi. Oui, si les coproductions deviennent impossibles parce que ça empêche d'avoir les points qu'il faut. Déjà que c'est pas facile. Déjà que c'est pas facile de monter particulièrement du court-métrage. Square Queen, même chose, une trentaine de pourcents. Le portefeuille, 17% de parts françaises. Bah oui, c'est l'argent. 17%. Donc, ce film a fait plus de 100 festivals, a eu des grands prix, a été vendu dans plein de télé. Eh bien, tous les points que j'ai, c'est 17% des points. Et c'est assez extraordinaire. Quand tu fais ton calcul, je peux te dire que j'étais... Mais bon, voilà, je suis quand même arrivé à 55 points pondérés, donc... Mais bon, je trouve que ça vaut la peine d'y réfléchir et de lancer un débat dans l'animation et dans la fiction, même dans le court-métrage. Bon, encore un point à soulever là auprès du CNC, non pas ouais. la SACD. Non, non, là, c'est pas moi. Non, c'est pas CNC, vous. C'est pas moi. Mais dans l'ensemble, ouais. vous pensez qu'il y a un déficit d'information des auteurs dans le domaine de l'animation? Ah, dans tous les domaines. Dans l'animation, pas particulièrement, beaucoup, mais dans l'animation beaucoup. Enfin, on fait des efforts, nous, mais on rameute des trucs, on fait des trucs très très bien. Avec un groupe d'auteurs qui s'appelle La Graffe, ils organisent de temps en temps, deux ou trois fois par an. On fait un petit, ils font un petit dans les locaux de la SACD des rencontres entre jeunes auteurs, graphistes, scénaristes, réalisateurs. Il y a plein de gens qui sortent des écoles. Tout le monde peut amener ou pas des écoles d'ailleurs. Tout le monde peut amener son petit film, son DVD sous quelque format que ce soit d'ailleurs et on projette tout ça. Tout le monde présente un petit peu son film. Puis après il y a un pot où on mange et on boit et tout le monde. Ça permet de les dessinateurs, de rencontrer des scénaristes et lycée de Versailles. Voilà. Très bien. Ben, quand François-Emmanuel Porcher est venu, il avait parlé notamment de la création d'Agrafe, qui est, à mon avis, une association très importante. Et il faut en parler, en faire la promotion, c'est important que ça existe, je crois, dans le domaine de l'animation. Puis l'Agrafe, c'est auteur pas comme l'animation française, c'est les scénaristes, réalisateurs et auteurs graphiques. Ouais. Ils sont assez syndicalistes, c'est-à-dire ils sont là pour défendre les droits des auteurs. Je vais passer la parole à Alexis qui va nous donner quelques nouvelles. Ouais, je suis désolé pour les fans d'Annabelle, pour la deuxième fois je vais la remplacer. Bon, on change de la voix féminine d'Annabelle, on a une voix grave et virile et mâle. Merci, je vais essayer. Donc, pour l'agenda du mois de mars, rapidement, puisqu'en fait il n'y a pas énormément de choses au mois de mars. Déjà, ce qui finit au mois de mars, vous avez le Festival Image par Image, dont on a parlé lors du dernier du Val d'Oise, qui finit le 20 mars, donc précipitez-vous. Les Trésors de Miyazaki et Moebius, qui finissent le 13 mars, qui ont une petite polémique assez intéressante sur les forums, encore eux, en disant qu'il y a beaucoup de, il y a finalement assez peu d'originaux de la part de Miyazaki, et beaucoup d'animateurs qui ont, évidemment, qui savent bien regarder, remarquent en effet qu'il y a très peu de choses. Ouais. Tant pis pour Miyazaki, allez voir quand même, il y a des choses magnifiques de Moebius. Ensuite, même si j'adore Miyazaki, bien sûr. Ensuite, dans les séances, nous avons mercredi 2 mars, une séance Winsor McKay au Louvre, à l'auditorium du Louvre, à 15h, très très intéressante. Pionnier de l'animation. Pardon, oui, Winsor McKay, l'Italie Nemo, sûrement l'un des meilleurs. Sortie cinéma, vous avez le 9 mars, l'explosif Team America World Police des créateurs de South Park, de très long, Trey Parker et Matt Stone, très drôle, il faut y aller. Enlevez-vous toute idéologie, il faut pas du tout penser à ça, c'est juste comme dans un jeu de boule de qui, enfin c'est vraiment incroyable, tout le monde en prend plein la tête, excusez-moi, mais aussi bien les acteurs d'Hollywood, Michael Moore, George Bush, pas tout le monde, donc on peut ne pas aimer, mais moi je trouvais ça assez drôle. Le 30 mars sort Vaillant de Gary Chapman, une tentative anglaise pas inintéressante. Malheureusement, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans le film. Le scénario est un petit peu bancal. C'est un premier. On parlera plus tard de Robots, un film de Chris Wedge qui avait réalisé L'Âge de glace déjà, où là, c'est très américain, c'est parfait. Bon, c'est très drôle. Je me suis pendu une minute et ça tombe bien, c'est parfait. Les dialogues sont bons. C'est du gros. Mais ce qui est bien avec Vaillant, c'est qu'il y a de l'énergie, il y a de la volonté. Et ça, c'est très bien aussi. Dans un film. Vaillant, pardon, oui, c'est l'histoire des pigeons voyageurs, tout à fait. C'est l'histoire des pigeons voyageurs qui est utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus, oui, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale et qui passe donc les messages de camps alliés. Les pigeons étant les gentils, le faucon étant le méchant allemand. Et qu'en anglais, alors Tim Curry du Rocky Horror Picture Show qui est très, très, très bon. Et avec des petites souris françaises très rigolotes. Il se passe dans une église de très, très bonne atmosphère. On sent que l'ordinateur, quand même, passe de plus en plus à un niveau supérieur quand on voit tout ce qu'il y a. Donc ça, c'est magnifique. Vraiment intéressant à voir. 30 mars en DVD. Le 1er mars sort l'édition spéciale de Chihiro. Le 22 mars, enfin, l'événement Gwen de Jean-François Leguillonis sort avec tous ses courts-métrages en DVD. Le lendemain, c'est de nouveau Miyazaki, décidément, on n'en sort pas, avec Kiki, un de mes films préférés de Miyazaki. Donc, n'hésitez pas. Kiki, la petite sorcière. Deux gros événements, le 17 mars... c'est la séance spéciale au Forum des Images de Gianluigi Toccafondo qui a montré plein de belles choses et notamment ses films. En parallèle, vous pouvez voir à la Galerie Surcourt, 12 rue Popincourt, une exposition à propos de son dernier film, La Piccola Ruscia, donc avec plein de tout ce qu'il a servi des images et c'est absolument passionnant. Il faudra absolument aller le voir. On en reparlera peut-être un peu plus la prochaine fois. Et bien sûr, l'Animatech, le 23 mars, le 23 mars, en hommage à Jacques Rouxel, en écho au Festival d'Auch. Voilà, juste une petite chose pour les gens qui ne sont pas à Paris. Je sais qu'on est plutôt capté sur Paris, mais au cas où vous voulez y aller, il y a bien sûr le Festival d'un jour, du 11 au 12 mars, à Valence, qui revient avec plein de très jolies choses. Le Sublime Alice de Jens Wankmeyer, long métrage, Tokyo Godfathers, La Reine des Neiges, des courts-métrages de Frédéric Bat, Ladislas Starevitch. Un programme très très riche, 11-12 mars à Valence, voilà. Voilà, donc le 12 mars, le même jour que le carrefour de l'animation, donc tout va bien, quelle organisation. Juste, excusez-moi, j'ai juste dire un petit mot parce que c'est important, pour ceux qui ont été un petit peu intéressés par la définition du cinéma d'animation, il y a un livre d'Hervé Joubert-Laurencin qui était sorti à l'œil vivant, à l'édition à l'œil vivant qui s'appelle La lettre volante. Vous avez quatre essais, dont un qui s'appelle qu'est-ce que le cinéma d'animation, bien évidemment en parallèle avec qu'est-ce que le cinéma, les textes d'André Bazin. C'est passionnant. Et voilà, Hervé Joubert-Laurencin, L'œil vivant, la lettre volante. Très bien, merci Alexis. En ce moment, il y a plein de sorties de DVD, compilations de courts-métrages. On a parlé avec Zaïef, La Guillonne, je sais qu'il y a un McLaren aussi qui se prépare. Enfin, il y a Raoul Servet dont on a déjà parlé, mais quand Raoul Servet qui est sorti, il suffit d'aller à la boutique de l'AFCA pour le trouver et l'acheter. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. La prochaine émission, Bulle de rêve, c'est le 26 mars. Et on y parlera, non c'est le 23 mars, excusez-moi, là, je n'ai pas noté, c'est pas bien, enfin c'est le samedi, le dernier samedi du mois, non, on va dire. Le 23 mars, c'est l'Animatech, donc c'est mardi, donc c'est le 26 forcément. Voilà, c'est pour ça que je confonds les deux dates. Et on y parlera du Festival National du Film d'Animation à Auch, forcément. Voilà, donc à très bientôt, merci Benjamin, merci, Arnaud et Franck d'être venus à l'émission. Et à la prochaine.